stand still. Stay where you are, don't move. Put up your hands. Your hands up or we'll shoot. Your name? Ray Bradbury. Speak up. Ray Bradbury. What are you doing now? Walking. Walking? Walking? Just walking? Walking? Yes, sir. Walking where? For what? To breathe the air. To see things. You've done this often? Every night for years. Here. Get in. But you don't understand. I haven't done anything. Get in. Silence. Silence. Tout autour. Téléphone. Brasser à bouton. Intercom. Téléphone. Brasser à bouton. Intercom. Téléphone. Brasser à bouton. Intercom. D'après l'assassin de Ray Bradbury. Fellow Sir. Doctor, I have your visitor's permit from Meadowbrook. I'm faxing it now. Téléphone. Brasser à bouton. Sweet summer breeze. La musique le suivait. Le long des couloirs blancs. Il passa devant la porte d'un bureau, on entendait la valse de la veuve joyeuse. Devant une autre, c'était Prélude à l'après-midi d'un faune. Devant la troisième, Kiss Me Again. Il tourna dans un couloir transversal, la danse du sabre le submergea. Cymbales, tambours, batterie de cuisine, couteau et fourchette, coup de tonnerre et éclair de fer blanc. Tout cela s'éteignit comme il traversait rapidement le bureau d'une secrétaire. Elle écoutait complètement envoûtée la cinquième de Beethoven. Son bracelet radio émit un bourdonnement. Le psychiatre parcourait la ruche des bureaux sous un chassé-croisé de thèmes musicaux où Stravinsky s'accordait avec Bach. Haydn tentait en vain de repousser Rachmaninoff et Duke Ellington massacrait Schubert. Il salua les secrétaires qui chantonnaient, les docteurs qui sifflotaient, entamant leur journée de travail. Dans son bureau, il vérifia quelques papiers avec sa secrétaire qui fredonnait en sourdine. Puis il téléphona au capitaine de police à l'étage au-dessus. Quelques minutes plus tard, un voyant rouge s'alluma et une voix tomba du plafond. Intercom. Prisonnier livré, cellule d'interrogatoire numéro 9. Il déverrouilla la cellule, entra, entendit la porte se refermer à clé derrière lui. Allez-vous-en, dit le prisonnier en souriant. Je suis ici pour vous aider, dit le psychiatre. Il fronça les sourcils, quelque chose n'allait pas dans la pièce. Il avait hésité en entrant. Il jeta un coup d'œil circulaire. Le prisonnier riait. « Si vous vous demandez pourquoi c'est si calme ici, c'est que je viens de liquider la radio. » « C'est un violent, » pensa le docteur. Le prisonnier devina sa pensée, sourit et tendit une main amicale. « Non, seulement pour les machines qui n'arrêtent pas de jacasser. »« Vous êtes Monsieur Albert Brock et vous vous faites appeler l'assassin. » Brock approuva avec bonne humeur. « Avant de commencer... » Il s'avança tranquillement vers le médecin et d'un geste rapide lui détacha le bracelet radio du poignet. Il le coinça entre ses dents comme une noix, l'écouta craquer, puis il le rendit au psychiatre ahuri comme s'il venait de leur faire une faveur à tous les deux. « Voilà qui est mieux. » Le psychiatre contempla l'objet détruit. « Pas good. Respire du Mozart, mon vieux. » Tout autour, du bruit tout autour. Téléphone, bracelet radio, intercom. Par Andrea Cohen et Manouchak Fachaï. Ray Bradbury a écrit la nouvelle « L'Assassin » en 1953. Bracelet radio. Le monde quotidien de Monsieur Brock, le protagoniste, est fait d'une musaque tonitruante, de sonneries incessantes de bracelets radio, de machines domestiques qui n'arrêtent pas de jacasser. J'avais pas vu que... Non, je me tais. Cet environnement finit par rendre fou Monsieur Brock, qui s'est fait enfermer dans une prison pour retrouver le silence. Les bruits. Le monde qui entoure Monsieur Brock ressemble étrangement à notre environnement sonore actuel. Les téléphones portables omniprésents, la musique d'ambiance qui sonorise indistinctement commerce, gare et autres lieux publics, la domotique qui permet de déclencher vocalement des commandes dans notre environnement immédiat, etc., etc. Entre fiction et réalité, tout autour, du bruit, tout autour. Silence. On vous matraque de sons qui vous exaspèrent, vous épuisent, qui vous creusent et vous rongent, qui à force vous donne envie de pleurer, de vous enfuir au bout du monde, et même de mourir, quand la brutalité s'éternise. Certains s'étonnent que les gens à l'oreille sensible s'indignent de ces outrances. Mais si l'on compare, qui accepterait qu'on lui enfourne des louches de purée brûlante dans le gosier, qu'on lui coince entre les dents le goulot d'une bouteille d'eau de vie pour le contraindre à boire jusqu'à la syncope, qu'on le maintienne pendant des heures, le nez plongé dans les vapeurs d'une fosse septique, qu'on lui braque une lumière aveuglante dans les yeux jour après jour, nuit après nuit? Pourquoi accepter pour Louis des forfaits qui, appliqués à l'appareil digestif, l'appendice nasal ou la vue, scandaliseraient? Jean-Michel Delaconté, écrivain, auteur de Petit éloge des amoureux du silence. Ça fait déjà une dizaine d'années que j'ai commencé à écrire des choses, si je puis dire, contre le bruit. Et puis, en vérité, la cause du silence ne progresse pas beaucoup. Je dirais même qu'à mon sens, le bruit s'étend. Je crois que l'intolérance au bruit s'accroît. J'ai pas rencontré de psychiatre, mais j'ai lu des travaux de psychiatres sur la question, qui généralement considèrent, c'est assez curieux quand même, c'est-à-dire que les gens qui souffrent vraiment du bruit, innombrables, hein, sont borderline. Alors, c'est comme si souffrir du bruit, c'est être à moitié fou, quoi. De prêter l'oreille, chose qu'on fait peut-être rarement, puisqu'on est tous dans des situations quotidiennes où finalement le visuel marque nos souvenirs, le sonore moins, ou en tout cas il y a une distinction à faire entre écouter et entendre. Ce n'est pas une boîte de nuit, c'est un magasin. Alors, ça n'est pas une boîte de nuit, c'est un magasin. La réduction, c'est 20% sur toute la surface, sur toute la boutique, et moins 40% à partir de 129 euros. Schizophonie. Du grec, schizo, dédoublé, et phoné, la voix, le son. Ce terme, que l'on doit à Murray Schafer, désigne la coupure entre le son originel et sa reproduction électroacoustique. A priori, chaque endroit a sa musique et que l'allée elle-même a sa musique, sa propre musique. Schaeffer utilise donc ce mot chargé de sens afin de montrer l'effet aberrant de ces développements technologiques au XXe siècle. Au travers du parcours qu'on a fait, il me semble qu'on est véritablement dans une schizophonie. Et là aussi, une question se pose, c'est créer une identité sonore en évacuant, en effaçant, en cachant tout un tas de bruits qui font, par ailleurs, lorsqu'on fait des parcours sonores, notamment environnementaux, qu'est-ce qu'on fait ? On valorise les bruits qui existent naturellement, avec des guillemets. Et ici, on fait tout l'inverse. Et donc, il y a une espèce de hiatus entre la pratique et les discours sur cette pratique. En tout cas, c'est la question qui se pose depuis la fin des années 70, d'une certaine schizophonie. Le silence ressemble à la couche d'ozone. Le trou du bruit ne cesse de s'élargir, les étendues de silence ne cessent de rétrécir. Bientôt, si cela continue, pour savoir en quoi consiste le silence, on devra se réfugier dans l'ancien bunker en acier et béton armé du Platon d'Albion, à 500 mètres sous terre, dans le sanctuaire atomique désaffecté où des scientifiques écoutent l'univers et où l'on entend fonctionner le cerveau d'un individu qui dort. Le psychiatre reprit « On commence ?»« D'accord. Et si vous me disiez quand vous avez commencé pour la première fois à détester le téléphone ?» Sa première victime, le téléphone. « Il m'a fait peur dès mon plus jeune âge. L'un de mes oncles l'appelait la machine fantôme. Des voix sans corps. Ça me foutait une trouille d'enfer. » But the phone changes you. Plus tard dans la vie, je me suis jamais senti à l'aise avec le téléphone. Ça me semblait un instrument anonyme. Even if it has a picture, si ça lui chante, il laisse votre personnalité filtrer au bout de son fil. Et s'il n'en a pas envie, il l'évacue, si bien que ce qui s'échappe à l'autre bout, c'est une espèce de voix de pisse froid, un mélange d'acier, de cuivre, de plastique, sans chaleur, sans réalité. But the phone is useful, essential to all our lives. Couldn't you adjust? Why are we always adjusting to machines? They're like spoiled kids, always making demands. We're adults. Et puis le téléphone est une chose si commode. Il est tout bêtement posé là, il exige de vous que vous appeliez quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'appelle. We should have control. Mes amis étaient toujours en train de m'appeler, Merde, je n'avais plus de temps à moi. Quand c'était pas le téléphone, c'était la télé, la radio, l'électrophone. Quand c'était pas la télé, la radio, l'électrophone, c'était les films qui passaient au cinéma du coin avec les réclames ajoutées en cumulus sur l'écran. Quand il n'y avait pas de musique, c'était les communications inter-services, sans compter ma bête noire de bracelet radio où mes amis et ma femme m'appelaient toutes les 5 minutes. VCR, or the fax machine, or the walkman, or the watchman, or the discman, or the motion pictures at the corner multiplex, and larger than life in your own living room commercials, coming at you from all directions, and phone calls, and junk fax. I understand, Mr. Brock, please, calm down. Now, just finish your story. Je suis ici pour vous aider. Le psychiatre écrivit dans son carnet. Là, on serait plutôt autour de... 80, voilà... Là, je parle à 80 dB pour arriver à être au-dessus de la mêlée, en fait. Hein. Et le niveau ambiant, là... Il est promenade sonore à Paris, dans le cadre de la Semaine du son 2012. 75, 73 décibels. Ce qui est bruit pour quelqu'un, ne l'étant pas forcément pour un autre, on pourrait, de ce caractère subjectif, déduire qu'il n'existe pas de bruit en soi. Ce serait une erreur. Il existe une échelle des nuisances qui permet de mesurer objectivement leur niveau. Le décibel constituant l'unité de mesure de l'intensité d'un son, l'impact des ondes sonores s'évalue par des équivalences de ce genre. Une fusée au décollage dégage de 180 à 190 décibels. Un fusil d'assaut de 1000 coups minute, 170. Un fleuve en crue, 150. Un bang supersonique, 140. Voilà, donc là on est en train de descendre, on est descendu à... Un quadri-réacteur au décollage, une voiture de course, 65, 130. 62 dB, 62 décibels. Le tonnerre, une souffleuse de feuilles, un sablage au jet, une chaufferie industrielle, 120. Seuil de la douleur. Aussi parce que c'est facile avec un marteau pneumatique, la sirène des pompiers, cool. 115. L'aboiement voilà. D'un berger allemand, 113. Et vous voyez l'échelle de 20 à 100 décibels. Et on voit bien justement comment évolue le son. Là, je parle évidemment, mais si je m'arrête de parler... Le passage d'un TGV à 300 km/h, un concert de rock, 110. Voilà, on situe à 54. L'aboiement d'un caniche, 107. Une scie électrique, une tronçonneuse, un marteau-piqueur, une motoneige, 100. Seuil du bruit dangereux. Là, on va avancer... Un cri, une craie... sur un tableau, on est ici un peu de 90 plus à 100. Dans une, zone un peu... une cour d'enfants en récréation, 95. Une rame de métro, un camion à pleine vitesse, une salle de restaurant bondée, 90. Le croissement d'un corbeau, une tondeuse à gazon, un torrent. Le croissement d'un corbeau, une tondeuse à gazon. Le claquement de talons sur un trottoir, un aspirateur. De 70 à 80. Un trottoir, un aspirateur. Des pas sur le gravier, une conversation amicale. 60. Le gravier, seuil une conversation du bruit gênant. Alors là, on regarde et on gênant. Voit qu'on est... Christian Hugonnet, ingénieur, président de la Semaine du Son. 54 dB. Donc là, on va rester d'ailleurs dans cette zone, toujours à peu près à 54 dB. C'est un lieu un peu préservé, on va dire, quoi, un peu tranquille, en dehors de la circulation qui est derrière nous. Mais ce n'est pas un bruit, on ne peut pas dire qu'on soit non plus dans une configuration avec un silence important. On est juste en dessous de 60 dB, 55, donc suffisamment pour pouvoir parler. On va aller sur le boulevard Sébastopol, ça sera bien plus intéressant. Là, c'est pas mal. Décibel. Au pluriel, familier, bruit intense. Donc on est passé de 60 à 70 dB. On a deux fois plus de niveau sonore que tout à l'heure. Et maintenant, si je vous parle de la même manière que tout à l'heure, vous ne pouvez plus m'entendre. Autrement dit, j'ai ma voix normale, elle ne fonctionne plus. Je ne peux plus avoir de liaison amoureuse avec vous, là. Moi qui suis hyper actif, voilà, comme maintenant, de porter les couches à l'oreille. Là, vous êtes obligé de parler plus fort. Ça améliore plutôt l'intelligibilité lorsque l'on représente le bruit. Absolument. Pour savoir. Tout à fait. D'une part, ça protège les oreilles et ça permet... Parce que la langue des signes est quand même l'avenir de l'humanité urbaine. Voilà. Qui sera 70% de l'humanité en 2050. Mais là, c'est terrible, parce qu'on est en train de s'apercevoir que... Nous parlons tous là, du coup, vous voyez bien, à près de 80 décibels pour arriver effectivement à se faire entendre. Hein, donc si j'étais transporté maintenant, immédiatement, instantanément dans le lieu dans lequel on se trouvait tout à l'heure, vous apercevrez que vous diriez vous parler très très fort. Alors et encore, là, nous, c'est pas encore trop méchant. Nous sommes pas encore sur le boulevard Sébastopol, qui est un des boulevards les plus bruyants de Paris. Donc on va y aller tranquillement. Autrement dit, quand on marche dans la rue, il y a au moins 24 signifiants sur l'identité de la personne et qu'on ne va plus entendre précisément parce que nous sommes effectivement dans la rue et à un niveau de 70 décibels. Et donc du coup, ça va évidemment modifier notre perception du monde et notamment la perception de l'autre. Et l'autre devient d'ailleurs quasiment insignifiant finalement. Il perd totalement de sa personnalité. Donc ça veut dire aussi que l'autre devient un être impersonnel. Donc on va finir effectivement par s'ignorer aussi parce que le sonore ne correspond plus à notre comportement. C'est un défaut de congruence qui créerait des... C'est un défaut de congruence, absolument, tout à fait, absolument. Nous n'existons plus par le son. n'existons plus que par le visuel, finalement. Hein? Et on ne retrouve les gens que par le visuel. On ne les entend plus respirer, on ne les entend plus vivre. Ils sont donc que des êtres, en fait, qui se promènent dans l'espace, mais d'une manière uniquement visuelle. Définitive, de la même façon que notre organe olfactif est carrément détruit, parce qu'on ne l'utilise plus ou parce qu'il nous crée trop de douleurs, je n'en sais rien, est-ce qu'on n'aurait pas un risque de même nature qui ferait que la tendance serait à l'atténuation de l'ouïe, tout simplement pour des raisons adaptatives? Oui, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui qu'on est de moins en moins capable de descendre dans des niveaux faibles. Et c'est tout le problème, parce qu'il y a dans le mécanisme du oscillo-tympanique, en fait, un mécanisme musculaire, forcément, qui fait que la gymnastique de l'ouïe fonctionne de moins en moins, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins utilisée. Et donc, du coup, on va perdre aussi, quelque part, effectivement, gymnastique de l'ouïe. Donc, du coup, on n'ira plus chercher les niveaux faibles. Et on aura besoin de ces niveaux forts en permanence. Plus de pastels, plus de nuances. Et les enfants, eh bien, les nuances, non. Pour un droit citoyen au silence. Nous sommes de plus en plus agressés par la diffusion de musique ou des radios diffusant des musiques, des infos et de la publicité dans les lieux publics à un volume ne permettant pas de s'y soustraire. Catherine Caro, dans différentes lignes de RER, auteur par de exemple, la pétition Droit au silence. Il n'est guère possible de penser ou de lire, ni même de parler, sans élever la voix, tant cette radio est omniprésente sur toute la longueur des quais. Nous savons qu'il est impossible de fermer les oreilles ou d'écouter de manière sélective. La musique et la publicité ont déjà envahi les transports en commun, les ascenseurs, les commerces, les salles d'attente, les rues piétonnes et les lieux de travail. Cette intrusion dans l'espace intime de chacun est insupportable. Le son n'est pas sans danger. Le son est utilisé comme arme de guerre depuis la guerre du Vietnam. La musique a déjà été utilisée comme instrument de torture par l'armée américaine. Dans notre quotidien urbain et sur les lieux de travail, la musique est une source de stress et d'abrutissement. Personne ne parle ni ne s'insurge contre cette violence. Est-ce que nous sommes devenus sourds au sens propre, comme au figuré? L'écoute forcée de musique peut-elle altérer notre santé physique ou mentale? Des études ont-elles été réalisées à ce sujet? Le fait que l'on puisse utiliser la musique de manière intensive dans un but d'asservissement et d'avilissement doit cesser. Menons cette lutte contre la tyrannie sonore et publicitaire qui mine notre société. Opposons-nous à ce harcèlement sonore. Retrouver la place du silence redonnera, nous l'espérons, du sens à la musique et à la parole choisie. Docteur, Monsieur Brock, me permettez-vous de vous faire remarquer que jusqu'ici votre conduite n'est pas très logique. Si vous n'aimiez pas la radio dans les transports en commun, ou au bureau, ou à bord de votre voiture, pourquoi n'êtes-vous pas devenu membre d'une association des ennemis de la radio? Pourquoi n'avoir pas lancé des pétitions, recherché des réglementations légales ou constitutionnelles? Après tout, nous sommes en démocratie. Et moi, dit Brock, je suis ce qu'on appelle une minorité. J'ai bien fait partie d'associations, j'ai fait le piquet de grève, fait passer des pétitions, j'ai lancé des procès. J'ai protesté, année après année, ça faisait rire tout le monde. Tous les autres adoraient la radio dans les bus et la publicité. C'était moi qui n'étais pas dans la danse. Alors ne pensez-vous pas que vous auriez dû prendre cela en bon soldat? Majorité fait loi. Mais ils sont allés trop loin. C'était si charmant d'avoir un peu de musique et de garder un peu le contact. Ils se sont figurés qu'à haute dose, ce serait 10 fois plus charmant. Je suis devenu dingue. La pétition est sortie au mois d'octobre. Avec des gens qui étaient assez enthousiastes, comme si on parlait pour la première fois effectivement d'un truc qui les gêne depuis longtemps. Ben, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, pour qu'on puisse le présenter aussi aux politiques, pour voir si... Et puis aussi que, simplement, qu'on puisse se poser la question pour dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Parce que tout, comme personne ne dit rien, ça a l'air normal, ça a l'air normal de subir ça. Et juste pour dire non. C'est une invasion, c'est une intrusion dans mon espace mental. Et c'est Big Brother qui me parle du matin au soir. C'est vrai que les gens qui ont signé les pétitions, les gens qui trouvent aussi que c'est une intrusion insupportable dans leur vie, se sont permanents. Je me sens, je sens qu'il y a des gens qui sont solidaires avec moi et que je ne suis pas folle, que c'est le monde qui est fou de nous envoyer ça. Quand un bruit se répète interminablement ou qu'il dure indéfiniment, il s'incruste. C'est comme entrer dans un tunnel qui n'aurait pas de bout. Une fois qu'on y est, on n'en sort plus. Pas le moindre filet de jour, aucune échappatoire. Vous êtes assigné à résidence dans ce boyau clos de partout. Un bruit de ce genre, on s'en souvient. Il ne vous quitte plus. On l'enregistre à perpétuité. Ces bruits qui durent sans fin et ceux qui se répètent interminablement font le malheur de nos vies quand une noire malchance nous en frappe. Vous avez beau vous en croire enfin délivrés, ils se sont agrippés. Ils continuent de forer dans l'ombre. Au premier signal, longtemps après leur disparition, ils se réveillent, intacts. Ces revenants, quand ils vous surprennent, reparaissent sous forme de nausées, de colère, de détresse. Les traumatismes qu'ils provoquent sont incurables. La musique le suivait le long des couloirs blancs. C'est amusant, là vous avez une vraie histoire de la musique. Vous allez voir en 1950, quand c'est créé en France en 1954. Vous voyez, c'est un géotrouve-tout qui avait bricolé ça, qui est une bande magnétique de 8 heures de musique sans fin, qu'à l'époque on plaçait sur un pick-up et qui au bout de 8 heures de musique se rembobiner automatiquement. Donc c'est comme ça qu'on a d'abord été écrit en 1954, ça s'appelait la Tape Top. Et puis après, l'évolution faisant, la technologie faisant... Claude Naou, responsable commercial à Mood Media. Accompagné la technologie, on a eu une des premières capacités satellites d'Europe au début des années 80, et on a commencé par diffuser par satellite dès le début des années 80. L'oreille est le seul des cinq sens qui reste en éveil 24 heures sur 24. Mood Media a été créé en France en 1954 et Muzak a été créé aux États-Unis en 1930. Il faut souligner d'ailleurs que le nom Muzak est devenu dans le vocabulaire commun américain pour définir ce qu'on appelle la musique d'ambiance. Les détracteurs diront la musique d'ascenseur. Dans les années 30, pour justement éviter que les personnes ne s'inquiètent et créent des crises de claustrophobie dans les ascenseurs, on a décidé de sonoriser aux États-Unis les ascenseurs des gratte-ciel. Et puis, de nombreuses personnes ont trouvé que cette musique était intéressante pour sonoriser leurs points de vente. C'est pour ça qu'ils ont utilisé au fur et à mesure cette musique d'ambiance pour sonoriser les points de vente. Plus pop, plus folk, on s'est inspiré du catalogue Chloé, donc c'était quelque chose de très féminin, de très aérien. Donc après, c'est scénarisé selon la journée, donc là c'est 14-18 heures, ensuite on a une scénarisation du matin, 9h-14h, donc on essaie de varier avec les tempos. Et le soir, 18-22h, on est sur des tempos un petit peu plus appuyés. Évidemment, c'est le programme de Noël qui est tout à fait différent, mais qui était obligé de respecter aussi la charte de Noël qui était rose et dorée. Et donc, il fallait citer Noël sans... Je peux vous montrer un exemple, parce que c'est assez intéressant. Patrick Vidal, sound designer à Mood Media. Un peu de limonaire ou de fête foraine assez jolie, assez nostalgique. Sachant que nous, on n'est pas encore dans une optique de musique très forte, contrairement à l'Angleterre, où là, c'est tonitruant. Moi, il m'est arrivé de faire à Londres Oxford Street, justement, par curiosité, pour savoir ce qui passait, et je n'en pouvais plus au bout d'un moment. Et je suis enfin arrivé chez Habitat, où il y avait une musique particulière, on sentait que ça a été créé pour la marque, et enfin, on avait une adéquation entre les produits et la musique. Tous les autres magasins, c'était on va dire, de la house music comme ça, vocale à fond. Et au bout d'un moment, on n'entend plus rien, à force d'entendre tellement de choses. C'est justement là où il faut une vraie identification par Marc. En l'effet psychologique, il est dans un premier ressort qui est clairement celui de se sentir en adéquation avec la marque ou alors avec le moment spécifique que la marque a choisi de mettre en valeur. Donc, le consommateur va se sentir vraiment en adéquation avec ce qu'il voit dans le point de vente. Il y a quelque chose de magique dans la musique, c'est qu'elle intervient sur votre comportement, sur votre rythme, sur vos envies. Donc, elle permet réellement de faire coller, si je peux m'exprimer ainsi, les valeurs de la marque en elle-même, les produits du moment, avec les envies du client. Et les gens se sentent très seuls finalement dans un magasin sans musique. Il y a une espèce de solitude immédiate. C'est arrivé, on a des magasins où il y a simplement une machine peut tomber en panne par exemple, et c'est la panique, hein, parce que c'est vraiment... On a visité un magasin avec une des commerciales d'ici, où il y avait une panne, c'est triste à mourir, hein, franchement. Parce qu'il n'y a pas assez de flux dans un magasin, il n'y a pas de gens qui parlent, en fait. Si on arrive à un moment un peu creux de la journée où il y a trois clients et deux vendeurs, c'est terrifiant, hein, tout le monde se regarde, on ne sait plus quoi faire, on n'ose pas acheter, je pense. On n'est pas distrait par quelque chose, quoi. C'est toujours, je crois que c'est la difficulté, ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut à la fois être distrait, intéressé, et en même temps, ce côté non intrusif, c'est très délicat en fait à observer, quoi, parce que il faut quand même arriver à captiver les gens avec une musique. Il faut pas que ce soit complètement de la musique d'ascenseur ou de papier peint. Alors on met des artistes intéressants qui peuvent être légués comme ça au second plan. En même temps, il faut captiver. Il y a tout un jeu comme ça assez subtil à observer, donc. C'est pour ça que t'as très intéressant d'ailleurs. Le silence fait peur et la musique, surtout quand vous êtes dans un lieu qui vous ressemble un peu, vous rassure parce qu'elle va vous rappeler, elle va vous raccrocher immédiatement. Donc on est sur un impact mémoriel, elle va faire appel à votre mémoire, à vos souvenirs, et elle va vous rappeler à des sensations agréables, à des moments agréables, à des lieux agréables, parce que l'esprit et le cerveau humain a cela de magnifique. Il aura toujours tendance d'abord à vous rappeler les moments les plus magiques de votre vie, les plus agréables de votre vie, avant de vous rappeler les moments les moins agréables. Donc, en effet, la musique, quelle qu'elle soit, en point de vente, en lieu public, etc., aura toujours cet effet mémoriel bénéfique de réassurance par rapport à l'endroit où vous vous trouvez ou à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, nous ne sommes pas responsables du volume sonore, on ne le gère pas. Le volume sonore est entièrement géré par les marques. Je trouve qu'il faut juste arriver à la dose exacte de la musique, soit pas intrusive. Bon, ça, c'est une évidence pour notre métier. En même temps, qu'on sente au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qui se passe et on a l'oreille tout en coup. Tiens, ce morceau est pas mal et on s'est pas rendu compte au début qu'il y avait forcément de la musique dans l'endroit. Moi, je trouve que la musique dans les restaurants, c'est absolument épouvantable. Je supporte pas. En étant DJ, musicien et sound designer, je trouve que dans un restaurant, c'est l'opposé. Je préfère écouter les gens parler, écouter ce brouhaha, je trouve ça beaucoup plus intéressant. On me dit non. Alors, mais dans un magasin, effectivement, pas de musique, c'est très triste. J'ai dit, pour rentrer, c'est de l'autre côté si vous voulez accéder au magasin. Donc, l'idée, c'est d'adapter en quelque sorte la musique à l'image de marque. Et c'est en ça que finalement, on n'est plus dans de la musac, on est dans plus non plus dans ce qu'on appelait la musac qui était l'équivalent de la background music, cette musique de fond qui ne devait pas attirer l'attention. Aujourd'hui, Vincent Rouzet. On est dans quelque chose de différent qui s'appelle plutôt le foreground, c'est-à-dire que la musique est pensée en même temps que la couleur, la chaleur, l'identité générale, l'image du lieu. D'autre part, lorsque la musique est un peu rythmée et un peu forte, elle est couplée avec la chaleur, avec la luminosité, et l'enjeu c'est que les gens achètent, ne posent pas de questions et repartent. Modernité du bruit. J'ai lu ça sous la plume d'un architecte acousticien. Modernité, ultima ratio des sophistes. Le bruit est-il ancien ou moderne? Foin de ce débris d'anciennes querelles. Sans conteste, il est moderne, s'exclament les réalistes. Il exprime une vitalité où se diagnostique la parfaite santé d'un pays. Le signe d'une économie en expansion, d'un PIB dynamique. Visitez la Chine, tout explose. La croissance, l'industrie, le commerce, le nombre de nouveaux riches, le bruit. Celui des constructions, tours vertigineuses, usines, vieux quartiers dynamités. Celui des automobiles par dizaines de millions, de l'activité frénétique. Chargé de décibels jusqu'à la gueule, les villes de Chine prouvent que le pays décolle à la verticale. Ou bien, affirment ces réalistes, la civilisation du bruit, la nôtre, représente le tribut à verser pour le confort matériel. Un inconvénient obligé, un grain de sable dans la chaussure. Le monde est bruyant, rançon du progrès. Les passéistes voudraient qu'on revienne en arrière, mais on ne revient pas en arrière. Voilà ce que proclament les légions de l'avenir triomphant. D'ailleurs, argumentait l'acousticien, la société d'autrefois, celle d'avant le progrès, était plus bruyante que la nôtre. Par rapport à elle, nous jouissons d'un silence incroyable. Mais ça se fait prendre. Il y avait moins de bruit et on le supportait mieux. Silence. Tout. Silence. Silence. Tout, tout, tout, tout. Ah, tout. Le silence. Le docteur marqua une pause. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il y a eu le silence. Dieu, que c'était merveilleux. Cette radio qui caquetait toute la journée, Brock par-ci, Brock par-là, Brock annoncez-vous, Brock quittez la fréquence, ok Brock, déjeuner Brock, pause repas terminé, Brock, Brock, Brock. Et puis ce silence. Eh bien, ce soir-là, j'ai tiré des plans pour assassiner ma maison. C'est une de ces maisons parlantes, chantantes, bourdonnantes, qui vous annonce le temps qu'il fera, qui vous lise des poèmes, vous récite des romans, caquette des slogans et vous chante des berceuses quand vous vous couchez. Une maison qui vous déclame des airs d'opéra dans la douche et vous enseigne l'espagnol pendant votre sommeil. Une de ces cavernes jacassantes où toutes sortes d'oracles électroniques vous donnent l'impression d'être à peine plus grand qu'un dé à coudre, où les fours vous disent « Je suis la tarte aux abricots et je suis cuite à point » ou encore « Je suis un rôti de première qualité aussi, arrosez-moi bien » où les lits vous bercent pour vous endormir et vous secouent pour vous réveiller. Une maison qui tolère tout juste les êtres humains, je vous dis. Une porte d'entrée qui aboie « Vous avez de la boue sous les pieds, monsieur !» et un aspirateur électronique qui vous suit de pièce en pièce en reniflant comme un chien, ingurgitant chaque bout d'ongle ou de cendre que vous laissez tomber. « D'où Jésus, Seigneur Dieu !» J'ai aligné mes griefs. De bonne heure, le lendemain matin, j'ai acheté un revolver. Je me suis sali les pieds exprès. Je suis allé à la porte d'entrée. La porte s'est mise à piailler. Chaussures sales, chaussures boueuses, essuyez-vous les pieds. Soyez propres, s'il vous plaît. J'ai descendu le satané machin en tirant dans la serrure. Et puis j'ai couru à la cuisine où justement le fourneau pleurnichait. Retournez-moi. Je l'ai liquidé au beau milieu d'une omelette automatique. Ah, comme il a grésillé, ébraillé. Je suis cuit. Et puis le téléphone s'est mis à sonner comme un gosse gâté. Je l'ai enfoncé dans l'évier broyeur. La police est arrivée et je suis là. My whole day was one big listen. Good morning, Albert. Good morning, Agnes. It's time to get up on this marvelous day. The weather is going to be just great, with the temperature reaching a high of 70. Light on the floor. Please wipe your feet. Please wipe your feet. Thank you. Have a nice day. Mañana. Mañana. Mañana. Don't forget to pick up a car. Mañana. Abierto. Yes. I see. I've enjoyed our little talk, Bob. Nice, quiet chat. Yes. But listen. Silence. Télévision. Télévision. 1 2 2. Descente. 6e, éteint. 7, éteint. Lumière, 8e. Marche. Jonathan 9. Delaunay. Moins fort. Ingénieur 0. À Marsolier Domotique. Sur ce type d'installation, on est loin de l'imaginaire en fait, qu'on connaît de l'image de la domotique, véhiculée surtout dans les séries et les films américains notamment. Donc on est loin des systèmes où la personne rentre chez elle et en claquant deux fois dans les mains va allumer sa lumière. C'est l'imagerie rêve entre guillemets de la domotique qui a été portée pendant une bonne partie des années 80 et 90 avec une image réelle d'une domotique qui avait du mal à fonctionner à cette époque-là puisque les produits oui. n'étaient pas encore totalement oui. au point. Et donc, en fait, l'imaginaire prenait le pas sur la oui. réalité du terrain. Lumière. Domotique. Lumière, oui. Nom un. Féminin. Répétez, s'il vous plaît. Du latin domus, maison. Arrêt. Et informatique. Arrêt. L'appareil qu'on vient de programmer, par exemple, permet quand même à une personne de pouvoir gérer plus de 200 fonctions de façon vocale au domicile. Ce qui veut dire que la personne peut rester dans son fauteuil roulant sans se sentir, en fait, complètement dépendante d'une autre personne. Au risque de devoir la déranger. On a l'exemple, par exemple, d'une personne qui est équipée donc d'un appareil Nemo. Donc, elle peut ouvrir à un visiteur lorsqu'il arrive à l'entrée du bâtiment. Elle peut lui ouvrir ensuite son logement, donc la porte de son logement, sa porte palière. Elle peut allumer les lumières de toutes ses pièces et les éteindre, évidemment. Elle va pouvoir gérer les volets roulants de son logement. Et après, elle va pouvoir gérer tout ce qui est partie audiovisuelle. Donc voilà, cette personne-là, par exemple, a plus de 300 codes infrarouges. Elle gère tout elle-même, juste en retenant les mots qui doivent déclencher en fait ses actions au quotidien. Donc, faut pas négliger aussi les aspects plutôt intéressants de ces appareils à reconnaissance vocale, même si on sait que ces appareils-là sont pas utilisables par tout le monde. Et pas non plus dans tous les lieux de vie qui existent. Silence. Silence. Pouc. Silence. Pouc. Silence. Pouc. Ceci n'est qu'un début, affirma M. Brock. Je suis l'avant-coureur de ce petit nombre qui ne supporte plus le bruit, ni qu'on le manipule, le dirige, lui hurle des ordres. À chaque instant de la musique, à chaque instant en contact avec la voix de quelqu'un, fais ceci, fais cela, vite, vite, vite, viens ici, viens par là, vous verrez, la révolte commence. Mon nom restera dans l'histoire. Le psychiatre semblait pensif. Cela prendra du temps, bien sûr, c'était si enchanteur au début. L'idée même de ces objets, leur commodité d'emploi était merveilleuse. C'était presque comme s'amuser avec des jouets. Mais les gens se sont laissés prendre au jeu, ils sont allés trop loin, ils ont été pris dans l'engrenage d'un type de comportement social et n'ont plus été capables d'en sortir, même pas d'admettre qu'ils étaient pris dedans. Alors ils ont trouvé des explications rationnelles à leur impulsion. Les temps modernes, ont-ils dit, le mode de vie trépidant, ont-ils expliqué. Mais notez bien ce que je vous dis, la graine est semée. Je vois, dit le psychiatre. What did you eat for lunch, Mr. Brock? The baked apples are ready, and you may now remove them. Yes. Enjoy. Good morning, Albert. Good morning, Agnes. It's time to get up on this marvelous day. The weather is going to be just great, with the temperature reaching a high of 70. Mr. Jessup just called. He can't seem to reach you on your lapel phone. He'd like you to get in touch with him right away. Come in, please, Mr. Brock. Touch. I hate that phrase. Le drame, moi, en qualité d'expert judiciaire, je suis effrayé par, surtout par le peu de connaissances qu'on a du sonore. Christian Hugonnet. Les bruits de rue, par exemple, un bruit de circulation, c'est la ville, on le choisit pas. Je dirais que c'est notre commun de tous les jours. On a décidé de vivre en ville, donc on est dans une rumeur, bon, très bien, et on le choisit. Mais les sons dont on parle, les sons type Muzak et autres sons qui sont précisés par des machines, c'est ce verbe qui nous arrive des machines aujourd'hui pour nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est pas nous qui l'avons choisi, il nous est imposé. Et il nous est imposé pour des raisons bien particulières. Mm. Donc ça, c'est une question qu'on doit également se poser. Mm. Pour, où veut-on en arriver ? The majority rules. They may rule, but they're not always right. The majority have gone too far. Don't you see that? They figured that if a little music was charming and keeping in touch was good, that a lot of a good thing would be that much better. But it's not. We're prisoners of our own progress, manacled by squawking machines. What's a man to do, Doc? Hmm? On est enveloppé par des sons qui ne sont pas demandés, qui arrivent chez nous d'une manière forcée, si je puis dire. Et cela a certainement des retombées, en tout cas des répercussions importantes sur notre comportement. C'est l'absence du silence. C'est le fait qu'à aucun moment, finalement, on a le temps, on a la capacité de s'observer soi-même, de s'écouter soi-même, et du coup d'écouter les autres. C'est-à-dire que cette omniprésence des sons, d'ailleurs qui ne se situe pas uniquement dans la ville, mais qui va aussi pénétrer toutes les bandes sonore des musiques aujourd'hui et des, enfin, toutes les bandes sonores des films aujourd'hui, fait que le son n'arrête pas d'exister. Hein. Autrement dit, on est dans une ambiance systématique sonore qui ne s'arrête jamais. Je dirais que les sons sont peut-être moins forts, hein, en tout cas pour ce qui est de l'aviation, mais on est toujours dans cette rumeur. Et cette rumeur est quelque chose de dramatique parce que précisément elle cache pour ce qui est de ses aspects positifs, mais pour ce qui est de ses aspects négatifs, elle empêche l'homme à un moment donné Docteur. De s'arrêter et de se reposer. Puis-je retourner à ma charmante cellule maintenant pour y retrouver le calme et la solitude pour 6 mois ? Oui, fit calmement le psychiatre. « Ne vous inquiétez pas pour moi, » dit Monsieur Brock en se levant. « Mon intention est simplement de rester là à me remplir les oreilles de ce bouchon de matière douce et silencieuse. Et pendant longtemps. »« Hum, » fit le psychiatre en se dirigeant vers la porte. « Bonne chance, » lança Monsieur Brock. « Oui, » dit le psychiatre. Il tapa un signal codé sur un bouton invisible. La porte s'ouvrit, il sortit, la porte se referma à clé. Le silence agonise. Fin d'un monde. Silence bradé sans lésiner. Trésor dilapidé. Je parle du vrai silence. Du silence solidement établi, serein, sur lequel aucune menace ne pèse. De ce silence-là. De ce silence qu'on ne connaît plus sous nos climats, dont on a perdu l'admirable confiance. De ce paradis gaspillé. Il reste des preuves dans des pays reculés sans habitation ni route, sur la banquise, dans les déserts, aux confins des steppes, où l'on n'entend que le vent. Le silence s'effondre dans le monde entier. Le bruit nous traque. Il rôde toujours quelque part. Il est tapi au cœur des bois, des monastères, des cimetières, même des hôpitaux, dans les alvéoles les plus secrètes de l'humanité. Danger larvé, surgissement latent, épée de Damoclès. Plus une région n'existe où les anachorètes soient en sécurité. Le péril s'étend partout. Il faut être sourd, distrait, mort, pour ne pas s'apercevoir que l'époque est au vacarme. Le psychiatre parcourut seul, il parcourut les bureaux et les couloirs. Les 20 premiers mètres qu'il fit furent accompagnés par le tambourin chinois. Puis ce furent Tsigan, Pasakai de Bach et fugue en quelque chose de mineur, Tiger Rag, Love is like a cigarette. Il sortit de sa poche son bracelet radio cassé qui ressemblait à une mante religieuse morte. Il entra dans son bureau. Une sonnerie retentit, une voix tomba du plafond. Docteur ? Code. Fellows, what's the prognosis on Brock? He's top priority, you know. Well, he's obviously suffering from. Dad. Je viens de finir avec Brock, dit le psychiatre. Diagnostic. Can we rehabilitate him, Dr. Il semble complètement désorienté mais sociable, refuse d'accepter les réalités les plus ordinaires de son environnement et de faire avec. Pronostic indéterminé. L'équité en train de savourer une matière invisible. Trois téléphones se mirent à sonner. Dans le tiroir de son bureau, un bracelet radio de rechange émit son bourdonnement de criquet blessé. Une lumière rose s'alluma sur l'intercom qui se mit à clignoter. Les trois téléphones sonnaient. Le tiroir bourdonnait. De la musique s'engouffrait par la porte ouverte. Le psychiatre en fredonnant doucement attacha le nouveau bracelet radio à son poignet, appuya sur le bouton de l'intercom, parla un instant, prit le récepteur de l'un des téléphones, parla, prit un autre récepteur, parla, prit le troisième récepteur, parla, appuya sur le bouton du bracelet radio, parla. Il était calme et tranquille, le visage paisible et serein, au milieu de toute cette musique, de ces clignotements, des sonneries des deux téléphones qui tintaient à nouveau, et ses mains s'agitaient et son bracelet radio bourdonnait, et l'intercom parlait et des voix tombaient du plafond. Il continua ainsi tranquillement pendant tout le reste de ce long après-midi dans la fraîcheur de l'air conditionné. Téléphone, bracelet radio, téléphone, intercom, téléphone, bracelet radio, intercom, intercom, téléphone, bracelet radio, téléphone, bracelet radio, intercom. Téléphone, bracelet radio, intercom, téléphone. À l'instar des glaciers, des grands singes anthropoïdes et de la tulipe sauvage, le silence est une espèce en voie d'extinction. Il a largement succombé dans les mégalopones, rongé par l'acide de l'automobile, des constructions et travaux publics, de l'agitation hyperbolique. Il agonise du nord au sud, de l'est à l'ouest, et pas seulement dans les conglomérats urbains. Il s'est effacé du ciel. Il s'étiole même sous la surface des mers. Pour les mammifères marins, baleines, cachalots, dauphins, les océans sont des nightclubs mortels. Le smog acoustique produit par les sonars militaires pour détecter les sous-marins et les canons pour la prospection pétrolière, offshore, bouleverse leur système de localisation. Désorientés, ils emboutissent les navires, s'échouent sur les côtes. En moyenne, l'intensité sonore des mers a augmenté depuis un demi-siècle de 10 décibels. Le trou du bruit ne cesse de s'élargir, les étendues de silence ne cessent de rétrécir. Hein? Oh, pardon. J'avais pas vu que... Non, je me tais. Silence. Il vaut mieux... Tout autour du bruit. Par Andrea Cohen et Manouchak Fachaï. Avec Vincent Rouzet, Christian Hugonnet, Jean-Michel Delaconté, Catherine Carreau, Jonathan Delaunay, Claude Naon, Patrick Vidal. Extrait du Petit éloge des amoureux du silence de Jean-Michel Delaconté, lu par son auteur. Lecture: Jacques Bonafé, Anne Stephens. Prise de son: Frédéric Kérou, Pierre Monteil. Mixage: Jean-Baptiste Etcheux Parborde. Merci à Fanny Mitlicki, directrice de Bruit Parif, et Mathieu Sino, responsable du laboratoire de mesure à Bruit Parif. Demain soir, dans l'atelier fiction, on part en apesanteur, cul par-dessus tête, deux et par Pierre Meunier, qui nous offre le récit de son expérience dans les airs. Je n'ai qu'une certitude. La terre m'attire. Ma mère, la terre, m'attire. Possessive à l'extrême, notre mère rugueuse ne tolère aucun éloignement. Toute prise de distance, toute tentative d'élévation est illico sanctionnée par un brutal retour au lieu d'origine. Mort ou vif, ma mère, la terre, me veut mort ou vif. Elle me veut moi.